Jeu mystère, et Ouais, en plus. Marc, tu nous avais donné des indices sur les oiseaux qu'on Ouais. devait trouver. Est-ce que c'est le jeu pour la maison, pour les gens à la maison? Donc, vous pouvez appeler le 078-244-57-54 si vous découvrez quels oiseaux Jérémy a enregistré depuis sa tente, et vous pouvez l'aider à le découvrir parce qu'il ne le sait pas. Ah, il le sait pas. Alors, on a nos quatre prochains invités qui viennent de rentrer et qui ont pu eux aussi écouter notre son mystère. Donc, On attend les propositions. En attendant que le délai de 30 secondes, 30 une minutes. minute sur Internet, donc les auditeurs qui nous écoutent sur la web radio, ils puissent entendre le bruit, le son, le chant de l'oiseau. Et appelez donc au 078 244 57 54 pour gagner des places pour les concerts de ce soir au Festival Archipel. Je crois comprendre que Marc a la réponse, Mais mais peut-être, peut-être on peut attendre. Est-ce que dans les quatre invités, vous avez une idée de quels oiseaux on vient d'entendre. on vient d'entendre? You speak English. Do you understand which kind of birds was singing on the recording we were listening? Do you have an idea? You can pick the microphone in case you have an opinion. Si on n'a pas non plus d'appel de la maison, depuis la maison, et on est aussi un peu en retard, Oui. on attend l'opinion de Marc. Parce que tu avais demandé la date Oui, d'enregistrement, que oui. c'était le 4 août 2021, je crois, non? Oui, enfin, ce qui est important, c'est de savoir la date dans l'année, enfin, à quel moment de l'année ça a été enregistré, parce qu'il se trouve que cet oiseau est un oiseau migrateur, et donc il arrive chez nous en ce moment, à peu près, mi-avril. Et que, si on entend ce son-là, enfin, ces cris, ces chants-là, avant le mois d'avril, il s'agit la plupart du temps comment dire, d'imitation. Parce que c'est quelque chose qui est quand même bien courant chez les oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui imitent d'autres oiseaux. Et ça aurait pu être une imitation de l'oiseau en question par une autre espèce. Voilà, c'est pour ça que je voulais avoir une précision Oh, sur la ok, date de l'enregistrement. ouais. Et alors, comme je pense que personne ne va appeler pour nous Non, donner la personne réponse, n'ose. est-ce que vous pourriez nous la donner? Alors, je pense qu'il s'agit du loriot d'Europe, Oriolus aureolus. Voilà, un très bel oiseau, jaune, noir, avec voilà, qu'on voit très difficilement. C'est un oiseau assez. C'est pas un petit oiseau, il a une belle taille, mais il se perche souvent vraiment en haut des arbres, dans la canopée. C'est pas toujours évident de le voir. C'est un oiseau très coloré, qui a un chant sifflé comme ça, qui a quelque chose de très exotique. Et cet oiseau-là, donc le loriot, donc arrive chez nous au mois d'avril. On l'entend beaucoup au mois de mai, juin, dans les ripisylves, surtout, c'est-à-dire les bois qui poussent au bord des rivières, dans les forêts alluviales. Et il est souvent imité par un autre oiseau qui s'appelle l'étourneau sansonnet, qui lui est présent un peu toute l'année sur le territoire, et qui imite plein d'autres oiseaux, et notamment le loriot, c'est une de ses imitations préférées. Merci Merci. beaucoup, Marc. On transmettra ça à Jérémy, qui va être très, très, très heureux Qui nous sûrement écoute, peut-être. d'entendre ça.